En général, pour y arriver, il faut charbonner. Prends des risques et des baffes, du bif, mais bref, pas le choix, on va rien donner. Pour la bif, le cash, et pour toi le reste, tu comprends pourquoi charbonner. Fais du chiffre et en masse, sans Elias, t'es en liage, condamné à charbonner. L'histoire se termine comme elle commence, qu'on masse, baffe comme est office, ça va stopper du jeu de tes fesses, il faut que ça cesse. Achète, ma qualité achète, un peu d'or en barrette, sans une carrette et des HS. Ma cash, pourquoi demander au père la chaise cause? Il faut charbonner les victimes, leur faire cracher le flou. J'suis pas le genre de mec qu'on inviterait dans une tour. Passe-moi le cartouche, que moi je les fume tous. Moi comme Bonny, je veux charbonner, j'ai plus la morphonée Tony. On a grandi malheureusement dans les taudis, à côtoyer les gros volets, à bastonner, à pilonner. La chance nous a laissé tomber, peut-être qu'on l'avait trop provoqué. J'ai ma vision du charbon, à qui j'monnais, tu connais le filon, fiston. La race de pifton à l'intérieur du veston. Pas faire cramer le charbon, c'est tout un art, papa, maman, pardon. Dans le shit où on tape, dans ta vie en général, pour y arriver, il faut charbonner. Il faut charbonner. Prends des risques et des maths, du bif, mais bref, pas le choix, on va rien donner. On va rien donner. Prends des risques, le cash, et pour toi le reste, tu comprends pourquoi charbonner. Pourquoi charbonner. Prends du chiffre et en masse, sans Elias, t'es en liage, condamné à charbonner. Mais pour charbonner. Ici, faut charbonner, faire ses preuves et tout donner. Tant donné qu'ici tu tombes en deux minutes comme les deux tours jumelles. C'est vrai que le ghetto je l'aime, mais bon, cette vie me gare. Force de squatter le HLM et les reçoit dans les caves. Ici faut charbonner, c'est le message que je passe aux gamins. Quand y'a des étapes à franchir, il faut les passer pour la main. Eh l'ami, je suis sur le beat et je me sens dans mon élément. Je représente les miens qui charbonnent en bas des bâtiments. En cette époque, faut rester fier et pas baisser les bras. Je compte sur mes potes pour kiffer les prochains sons qu'on fera. RIFA, moi je suis allé avec l'ami Fonpera. Et comme t'as dit Nyoma, un gros son lourd pour les bras. Faut charbonner dans les écrits et dans la vie de tous les jours. Par le temps de cela couler douce, l'encre coule comme de l'eau de source. FLX, Zerifa, tu prends des teutards dans les joues. Nous on charbonne, il faut des loves, alors on vend la peau de l'ours. Dans le shit où on tape, dans ta vie en général, pour y arriver, il faut charbonner. Il faut charbonner. Prends des risques et des maths, du bif, mais bref, pas le choix, on va rien donner. On va rien donner. Prends des risques, le cash, et pour toi le reste, tu comprends pourquoi charbonner. Pourquoi charbonner. Prends du chiffre et en masse, sans Elias, t'es en liage, condamné à charbonner. Tu sais comment ça se passe, nous on tire des fatars. Regarde ces mecs dans la rue qui n'ont pas d'art. Dans nos têtes c'est Bagdad, faudrait une maglite pour éclairer nos pensées, y'a pas de starlight. Ici c'est Braveheart, c'est l'Ira ou Mike. Spliff et du cognac, c'est la riche sans le bosniaque. Dans ce monde démoniaque, clic clic clac. 2010 c'est la merde, les mômes sniff de l'ammoniaque. Roule plus de niaques, ils ont le blast dans la yeille. La seule chose qui compte à leurs yeux c'est l'oseille. Nous c'est la même pour du cash money, on bosse charbonné. On gratte à longueur de journée. L'histoire tu la connais. Eh ouais Connie, il faut qu'on se tape pour s'en sortir. La vie nous braque, on lui prend son gueule et puis on tire. Tous parmi les sorties. Eh ouais on rentre dedans. On charbonne depuis qu'on est gosse. Eh ouais on va de l'avant. Dans le shit on